ce baron, il écrivait quelques mots sur les murs de sa cage. Pour avoir pensé tout haut, il fut condamné aux travaux et à vivre sans voyage. Le soleil s'est couché très tôt ce soir dans la cour de la prison. Il fait sombre le long des murs. Sur les pavés, le sang est chaud et quelle que soit la saison, il n'y a plus d'espoir dans le futur. Il avait gravé au couteau, si tu aimes ton ami ce soir, personne ne parlera de toi. Mais si avec ce même couteau tu la tues sans faire d'histoire, t'auras ta photo dans le journal. Le soleil s'est couché très tôt ce soir dans la cour de la prison, il fait sombre le long des murs. Sur les pavés le sang est chaud, quelle que soit la saison, il n'y a plus d'espoir dans le futur. Accroupi derrière ses verrous, il écoutait l'écho du silence rebondir entre ses chaînes. Quelque part entre ici et partout, ça n'a plus d'importance. Il est mort avant qu'on ne comprenne. Le soleil s'est couché très tôt ce soir dans la cour de la prison. Il fait sombre le long des murs. Sur les pavés, le sang est chaud. Et quelle que soit la saison, il n'y a plus d'espoir dans le futur. Sur les pavés, le sang est chaud. Et quelle que soit la saison, il n'y a plus d'espoir dans le futur. Le sang est chaud, quelle que soit la saison, il n'y a plus d'espoir dans le futur.